par terre, je saute en l'air, je marche plus droit, j'ai trop bu, je crois. Trois whisky, deux vodka, trois verres de gin, cinq tequila. J'ai la tête en naufrage, je deviens de moins en moins sage. Cassé, brisé, oh déchiré, depuis que tu m'as laissé. Cinq pastis, quatre martini, quatre planteurs, huit chirocassis. Cinq sangria, trois verres de rouge, faut pas trop, non, je bouge. Je sors très tard, je vide les placards, je mange plus rien, je veux du soir au matin. Huit éponges, sa margarita, 14 bières, 12 pina colada. J'ai la tête en naufrage, je deviens de moins en moins sage. Cassé, brisé, oh déchiré, non, non, depuis que tu m'as laissé. Je saute en l'air, je marche plus droit, j'ai trop bu, je crois. Trois whisky, deux vodka, trois verres de gin, cinq tequila. Cinq pastis, quatre martinis, quatre plantes qui regardent six, cinq sangria, trois verres de rouge. Non, faut pas trop, je bouge. Petit pont, cinq margarita, 14 bières, 12 pina colada. À la tienne. Oh oui, à la tienne.